Mes enfants, il est temps de partir. Vous, Camille, rentrez. Mon père, quoi? Sur vous, la nature a si peu de pouvoir. La nature, c'est elle, parle le devoir.